Conclusion. Rendre à chaque chose son véritable nom. Nous sommes partis d'une polémique locale et d'un mot d'argot. Nous arrivons à quelque chose de plus vaste. Une radiographie des fondements lexicaux sur lesquels repose une pratique institutionnelle qui, depuis des siècles, s'est organisée pour extraire du travail gratuit de ceux dont le talent est le plus précieux et le plus visible. La méthode lexicocentrique a montré à chaque étape que la rhétorique de la gratuité forcée ne repose pas sur la Bible hébraïque. Elle repose sur Platon, sur des choix de traduction qui ont inoculé un dualisme étranger dans un texte qui ne le contenait pas, et sur la confusion délibérée entre l'ecclésia organique et le kyriakon institutionnel. La gloire, kabod, est un poids, une densité. Nier cette gloire à un travailleur sous prétexte spirituel, c'est violer la nature même du mot. La gloire potentielle de Dieu est déposée dans chaque être humain comme un germe. La bénédiction barak est un transfert de vie. Dépouiller un travailleur de son salaire ne protège pas la gloire divine. Cela détruit le germe que Dieu lui a confié. Le service de Dieu, abad, est la vie entière exercée avec intégrité. Ce n'est pas une activité dominicale. Et quand ce service prend la forme d'une expertise professionnelle mise à disposition d'une communauté, il mérite la justice que toute péoula commande. Le chantre Meshorer est un expert, pas un bénévole. Son titre étymologique le définit par sa maîtrise technique. Cette maîtrise est le fruit d'années de travail. Elle a un coût. Ce coût doit être assumé. L'église institutionnelle Kyriakon est une organisation humaine libre de ses règles. Ces règles ne sont pas des commandements divins. Ceux qui refusent de s'y soumettre à leurs propres dépens exercent un droit légitime. Le vrai serviteur de Dieu n'est pas identifié par un titre institutionnel. Il est identifié par une posture de vie. L'abad exercé avec intégrité, la justice pratiquée dans les échanges, le kabod reconnu chez l'autre. Un homme qui comprend le kabod ne dépouille pas l'autre sous prétexte de sainteté. Une communauté qui comprend l'agapé ne laisse pas ses membres dépérir sous prétexte de générosité. La vérité biblique est à la fois plus juste et plus exigeante que tous les discours qui en sont faits.